Crime de Moisin. Une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle. Proposée par Radio Zinzine. Nous allons continuer notre exploration critique du monde numérique avec la suite de la présentation à la librairie Michel Ferck qui est à Montreuil, qui s'est tenue en 2013, autour de deux ouvrages. Donc le premier, c'était la précédente émission, c'était Cédric Biagini qui présentait L'emprise numérique, paru aux éditions L'Échappée en 2012. Et aujourd'hui, je vous présente le groupe Marcuse qui fait la présentation de La liberté dans le coma, essai sur l'identification électronique et les motifs de s'y opposer, qui est paru aux éditions La Lenteur en 2012. Alors le groupe Marcuse, c'est un collectif qui a pris ce nom en référence au philosophe Herbert Marcuse, qui est un philosophe de l'école de Francfort, et qui a, après la Seconde Guerre mondiale, notamment participé à la critique de la société industrielle. En fait, le groupe Marcuse, c'est aussi une abréviation de Mouvement autonome de réflexion critique à l'usage des survivants de l'économie. Ce groupe avait déjà, en 2004, publié un ouvrage qui s'appelait « De la misère en milieu publicitaire, comment le monde se meurt de notre vie ». C'était paru aux éditions La Découverte, donc en 2004. Et aujourd'hui, voilà, 8 ans après, il continue à faire cette critique du monde moderne, notamment avec tout ce qui concerne le numérique et l'informatique. On va écouter Aurélien, ce membre du groupe Marcuse, qui va nous présenter très rapidement les raisons pour lesquelles ce groupe a rédigé cet ouvrage. Ça, c'est une petite interview qui a été enregistrée au moment où il y avait l'affaire Snowden, c'est-à-dire la diffusion d'informations des services secrets, et ça reste d'actualité aujourd'hui, puisque avec les écoutes des services secrets de la NSA américaine, eh bien, on est toujours plus ou moins au même point. Ben voilà, donc je m'appelle Aurélien et je fais partie d'un collectif d'auteur qui a écrit qui vient de publier un deuxième livre qui s'appelle La liberté dans le coma, et c'est sur l'identification électronique et les raisons de s'y opposer, et donc publié donc sous le titre du groupe Marcuse aux éditions La Lenteur en 2013. Donc c'est un travail qu'on a fait de longue haleine sur des questions qui sont devenues curieusement d'actualité, puisque donc ça faisait des années qu'on travaillait sur cette question des enjeux de l'identification électronique et de l'informatique en général, et qu'on avait un petit peu de mal à c'est un problème assez complexe et pas évident à analyser. Donc on a mis du temps à écrire à faire tout ce travail là, et oui, il a finalement été achevé. Il s'agissait un peu de sortir du poncif justement qu'on voit dans les journaux, le côté « Ah, ils nous écoutent tous », etc. Voilà. Donc une des idées centrales du livre, une des questions qu'on s'est posées, c'était quand on est confronté à l'informatique et à ses usages effectifs aujourd'hui, on est tenté, il y a deux thèses qui nous traînent autour de la tête un petit peu nécessairement. D'une part, l'informatique serait neutre, comme toutes les techniques, comme tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas d'implication sur notre vie quotidienne, sur le mode de vie, sur le monde qui nous entoure, ça dépendrait de l'usage qu'on en fait, un petit peu comme tout, hein, comme toutes les techniques, donc ça c'est un poncif, et qui conduit à cette autre idée qu'en fait, donc il y aurait la bonne informatique, et puis il y aurait les dérives, les usages de contrôle, de surveillance, etc., comme si on pouvait séparer les deux. Donc ça, c'est la première idée qu'on entend beaucoup, qu'on voit dans à peu près tous les journaux depuis presque deux semaines, et dans d'autres journaux, voire dans les mêmes, on retrouve aussi une autre thèse. Ce serait la thèse, on va dire un petit peu conspirationniste, ce serait que l'informatique en fait a été créée dans un projet orwellien de contrôle total des populations par une minorité de geeks assoiffés de surveillance et de pouvoir qui voudraient savoir exactement tout ce que les individus font du matin au soir, ce qui est en effet devenu possible grâce à l'informatique. Nous, on a un petit peu essayé de réfléchir à tout ça et on s'est rendu compte que la première thèse comme la seconde était fausse. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est ni une dérive hasardeuse et qu'on aurait pu éviter, ce n'est pas quelque chose de contingent, ce n'est pas non plus le résultat d'un complot. En fait, d'où vient l'informatique? L'informatique, c'est apparu au milieu du XXe siècle pour résoudre des problèmes qui se posaient à un certain nombre d'acteurs de nos sociétés depuis le début du XIXe siècle. Et c'était des problèmes essentiellement de gestion des masses. C'est-à-dire plus les sociétés ont été massifiées, c'est-à-dire plus les activités, plus la vie a été organisée à une échelle immense, non plus à l'échelle de villages ou de petites régions ou de cantons, mais à l'échelle d'État-nation, voire à l'échelle de continent entier, voire à l'échelle mondiale comme aujourd'hui, plus la production a été faite non pas pour un nombre relativement limité de clients que l'on connaît, mais pour des masses anonymes d'un bout à l'autre du globe, et ben tout cela, il fallait organiser cette production, cette distribution de choses, de biens, cette récolte d'informations, et pour tout ça, il fallait des outils nouveaux qui soient adaptés à l'échelle de la production, à l'échelle de nos sociétés de masse, à l'échelle des masses que l'on produisait et des pays qui allaient avec. Et donc dès le milieu du 19e siècle, c'était le problème central de tous les gestionnaires de tous bords, que ce soit les hommes politiques dans les administrations, mais aussi les chefs d'entreprise au niveau de la production donc de biens marchands. Il fallait trouver des nouveaux moyens de gérer ces masses de choses et d'êtres humains dont il fallait tenir compte, et donc inventer de nouveaux outils. Ça a été très long, ça a pris longtemps, mais l'informatique est née au milieu du XXe siècle pour résoudre ces problèmes de gestion des masses, donc des masses de personnes, des masses de marchandises. Et c'est comme ça que c'est né. Donc ce n'est pas né d'un projet de contrôle total des populations. Il n'y a pas de conspiration entre la CIA et les geeks derrière tout ça. Il y a juste une logique qui vient de nos sociétés industrielles, donc sociétés qui sont basées sur la production de masse et donc qui donnent des sociétés de masse. Donc l'informatique est venue comme allié naturel, comme outil naturel dans ce type de société-là. Donc en tous les cas, C'est un outil aussi pour la bureaucratisation de la société aussi, voilà dans le voilà sens où donc ça permet donc les problèmes qu'il y avait, c'était des problèmes, par exemple une bureaucratie, donc l'instrument de gestion de la société, ça existe depuis longtemps, depuis le 18e siècle seulement. Les bureaucraties nationales étaient confrontées à des problèmes inouïs au 20e siècle, compte tenu du nombre de données, d'informations et de problèmes à traiter, et à des échelles de plus en plus vastes. Donc l'informatique en fait est venue résoudre les problèmes de gestion bureaucratique de nos sociétés. C'est essentiellement, ça vient de ça, ça a été produit là-dedans, d'où le fait que jusque dans les années 70 et même au début des années 80, pour la plupart des gens, l'informatique c'était quoi? C'était l'armée et la bureaucratie. Pour tout le monde, notamment aux États-Unis, l'informatique était synonyme en effet, de gestion bureaucratique et de gestion militaire. C'est le coup de génie d'un certain nombre de geeks américains d'avoir lancé le PC, le personal computer, comme justement un autre usage de l'informatique que cet usage de gestion bureaucratique des masses, et d'avoir fait passer l'informatique comme quelque chose qui pourrait être une libération de l'individu. Il faut rappeler que la première pub pour le PC, pour le personal computer, faisait une allusion directe à 1984. C'était une pub qui date de 1984 et qui disait: grâce à Apple, 1984 ne ressemblera pas à 1984. Donc il s'agissait de convaincre les gens que l'informatique pourrait servir à autre chose qu'à une gestion bureaucratique des masses avec tout ce que ça implique de surveillance, de collecte d'informations, etc., etc., etc. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas du tout une dérive, c'est inscrit dans l'informatique. L'informatique, ça a une caractéristique essentielle, c'est que ça garde des traces. Tout ce que vous mettez sur votre ordinateur, ça laisse des traces. Et un bon informaticien, même un mail que vous avez Effacer. effacé il y a 3 ans, eh ben, un bon informaticien des services secrets français ou américains, il le retrouvera, il saura à qui il a été envoyé, il connaîtra son contenu. L'informatique, ça a cette capacité miraculeuse de tout garder. Et c'était son but justement de collecter des données. Informatisation, c'est bien de ça qu'il s'agissait. Voilà, après Aurélien qui nous a présenté rapidement l'ouvrage La liberté dans le coma. Sur les raisons de Radio Zinzine, on retourne du côté de la librairie Michel Firque à Montreuil avec Mathieu qui nous fait une présentation un peu plus détaillée du contenu de cet ouvrage, La liberté dans le coma, et c'est sur l'identification électronique et les motifs de s'y opposer. Moi, je vais donc parler une vingtaine de minutes de la liberté dans le coma. C'est un livre dont l'objet de départ était apparemment plus restreint, c'est-à-dire que c'est un livre qui était censé s'intéresser avant tout aux nouvelles technologies de contrôle et de police, je dirais. C'est-à-dire la biométrie, le fichage ADN, les puces RFID, une partie des puces RFID. Donc en fait, c'est un livre qu'on a fait avec l'idée, c'est un livre qui venait après une action en fait, qui avait été menée de manière assez instinctive quelque part. Contre des bornes biométriques dans un lycée de la région parisienne. C'est pas que c'est une action qui avait été faite de manière non réfléchie, mais disons que ça traduisait le fait qu'il y avait quelque chose d'évident dans le fait que la biométrie marquait un seuil dans le déclin des libertés civiles, un seuil dans une ambiance sécuritaire et même carcérale qui envahissait la société. Bon, c'est des arguments qu'on a été amené à développer, les personnes qui ont écrit ce livre, soit il y en a une qui était inculpée donc à la suite de cette action de destruction de bornes biométriques, les autres étaient en soutien très proche, et donc on a eu envie de réfléchir en fait, de se demander jusqu'à quel point c'était vrai le fait que par exemple la biométrie représentait un seuil de totalitarisme. Est-ce que c'était voilà effectivement une technologie carcérale, concentrationnaire? Qu'on essayait que ses promoteurs essayaient de faire rentrer à l'école pour la rendre plus banale, plus ludique. On a essayé de s'interroger sur par exemple le fichage généralisé. Quel est le problème que ça nous pose? Le fait que tout le monde soit fiché, quel est le problème véritablement avec ça? Au-delà de quelque chose d'assez instinctif qui nous rebute là-dedans, bien sûr, et qui est légitime, enfin qui est entièrement légitime, mais on avait envie de s'attarder là-dessus. Est-ce que les nouvelles technologies des années 2000, notamment en termes de contrôle et de police, font vraiment reculer les libertés civiles. Donc en fait, en se posant toutes ces questions, le truc c'est qu'on a beaucoup élargi notre objet, c'est-à-dire que c'est devenu une réflexion sur l'informatisation en général, et puis on a aussi déplacé le problème, c'est-à-dire que notre problème de départ c'était de savoir si la biométrie ou les puces RFID ruinaient un certain nombre de garanties contre l'arbitraire du pouvoir politique qui avait été conquise au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Et en fait, petit à petit, on s'est demandé de plus en plus, est-ce que ces libertés en fait ne déclinaient pas avant tout parce que il y avait un recul du désir et des possibilités d'être libre en général. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une réflexion plus générale sur la liberté et la dépendance à notre époque. Et voilà, donc le questionnement c'est considérablement déplacé et élargi. Donc nous, en fait, on est parti un peu dans ce livre de cette toile d'araignée que les gens du journal Z avaient édité avec Jérôme Torel dans le numéro 5, dans leur numéro 5, un supplément qui s'appelait Fichiers, bases et répertoires, premier rouage du contrôle social. Donc c'est une cartographie sympathique d'une centaine de fichiers dans des domaines comme, bon, la police, bien sûr, la police, ça va de soi, police, justice, mais aussi transport, emploi, logement, social, éducation, santé. C'est-à-dire des fichiers non seulement dans la main droite de l'État, bien évidemment, mais aussi un nombre incroyable de fichiers dans la main gauche de l'État, dans la main de l'État-providence. Ce à quoi il faut ajouter, bien évidemment, puisque cette carte pèse encore bien léger par rapport à tous les fichiers privés, par rapport à tous les fichiers d'entreprise, par rapport à tout ce que les entreprises amassent sur la population, sur nous tous, au fil des journées, par des études de marché, bon, de plus en plus électroniques, mais pas seulement. Et donc, si on met en plus tous les fichiers dont dispose, ne serait-ce que Google et Facebook, par exemple, c'est cette carte met à grandir évidemment de manière considérable. Et donc, on a construit le livre autour de trois questions. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça nous fait réellement? Quel est le problème avec ça? Le problème politique, existentiel, humain, social? Et qu'est-ce qu'on peut encore faire contre? Comment, est-ce qu'on peut encore s'y opposer quand on voit évidemment ça et quand on voit les données qui sont amassées par Cédric Biadini dans l'Emprise numérique sur par exemple la puissance d'enregistrement d'éléments sur la consommation par Internet? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore faire contre ça? Alors, donc première question, d'où ça vient? Premier chapitre, d'où ça vient? En fait, dans ce premier chapitre, donc je passe en revue un peu les trois temps du livre qui sont assez différents. Je serai très bref sur le dernier. D'où ça vient? C'est un chapitre où on a essayé de faire une sorte d'histoire politique de l'informatique, en fait. Une histoire politique de l'objet ordinateur et de sa mise en réseau. Histoire qui établit un lien très fort entre l'informatique et la bureaucratie. On a appelé ça bureaucratie informatique, le pacte du siècle. Un siècle qui est à cheval sur le 20e et le 21e. L'idée de départ, c'est que le développement des moyens d'identification électronique est indissociable du développement des moyens de stockage et de traitement de l'information en général, c'est-à-dire de l'ordinateur lui-même. La biométrie, les puces RFID, les multiples fichiers qui sont par exemple dans ce graphique, c'est simplement la face émergée d'un énorme iceberg de bases de données qui, à notre sens, structure de plus en plus le fonctionnement réel de notre société. Et ce développement des moyens de contrôle, qui était notre objet de départ, il s'explique donc pas principalement par des visées policières. Pour nous, c'est avant tout le résultat, c'est d'abord le résultat des impératifs de la gestion de masse. C'est-à-dire le fait qu'on vit dans une société de masse et que ça implique un développement permanent de la bureaucratie pour gérer, dans un monde où la population croît constamment, où les territoires à administrer par les États croissent constamment, où la production augmente évidemment en permanence. Donc la taille des États et des entreprises en tant que puissance administrative augmente. Et donc tout ça stimule la bureaucratie, la logique gestionnaire, le fait de se retrouver face à des masses de choses à gérer, des masses de données. Ça stimule le recueil d'informations, ça stimule la création de nouveaux fichiers. Bien sûr, dans le livre, on a essayé de faire la part des choses, de signaler aussi les moments où c'était le plus lié à des phénomènes policiers, à des logiques de maintien de l'ordre, répressives, etc., y compris contre des mouvements sociaux ou autres, ou lors de l'existence de régimes totalitaires, de régimes politiques totalitaires au milieu du XXe siècle. Mais pour nous, c'est pas ça l'axe directeur de ce qui nous arrive. Un exemple qui est intéressant, l'invention de la machine de Hollerith, qui est le fondateur d'IBM, qui est en fait une machine à carte perforée qui préfigure l'ordinateur, qui est sans doute un des objets techniques qui préfigure le plus l'ordinateur qu'on connaît depuis 1945, la machine de von Neumann. Cette machine a été inventée à l'occasion du recensement, d'un recensement de la population américaine. D'un moment en fait où l'administration américaine n'arrivait plus à recenser la population parce qu'elle était devenue trop grande. C'est un pays où il y avait 50 millions d'habitants vers 1885. Or, la Constitution américaine voulait qu'il y ait un recensement tous les 10 ans, depuis la fondation des États-Unis modernes en 1876. Et ça, c'était pas du tout quelque chose de spécifiquement policier. C'était pour qu'on puisse tenir les élections, qu'on puisse assurer un fonctionnement démocratique de cette fameuse République américaine fondée par Jefferson, Lincoln et compagnie. Et donc, au bout d'un moment, c'est une Constitution, c'est un système politique qui avait été pensé pour 3 millions d'habitants, dans un monde, dans un monde de villages, de petites communautés assez soudées, où il y avait des formes de démocratie villageoise, de démocratie communale, où les gens étaient souvent indépendants économiquement. Et un siècle plus tard, dans un monde secoué par des révolutions industrielles successives, par la domination croissante de l'économie, par la prolétarisation de la population, par l'arrivée par vagues massives de migrants du vieux monde, qui venaient soit parce qu'ils étaient persécutés, soit parce qu'ils avaient pas de moyens de survivre là où ils étaient avant, eh bien, on cherche à maintenir ce système politique, à continuer de faire des recensements, et en fait, on n'y arrive pas. Et donc, la machine de Hollerith va permettre de continuer de faire un recensement régulier avec des nouveaux moyens industriels, quoi, de recueil de l'information. Ensuite, ces machines, cette machine de Hollerith, elle va être utilisée et perfectionnée dans le cadre, par exemple, de la gestion du trafic de chemin de fer aux États-Unis. Le chemin de fer, c'est un domaine, c'est le domaine, on estime souvent que c'est le domaine d'émergence de la grande entreprise capitaliste moderne, bureaucratique, multidivisionnaire, avec des grands départements et tout. C'est le premier domaine où vraiment l'entreprise dépasse une certaine taille. Ces machines, elles vont être aussi utilisées et perfectionnées dans le cadre des assurances. Les assurances privées, bien sûr, où il y a beaucoup de gestion de paperasse, de calculs à faire en permanence pour servir des polices d'assurance aux gens. Et puis, les assurances publiques également. C'est-à-dire que les fichiers vont aussi se développer dans le cadre du développement de l'État-providence, dans le cadre du développement d'un État-providence et d'un État-ingénieur du social. Un grand moment de développement de ces machines dans l'administration américaine. Ces machines étaient surtout utilisées, en dehors de l'histoire du recensement, dans les entreprises privées aux États-Unis jusqu'en 1930. Et elles vont pénétrer l'administration publique à l'occasion du New Deal de Roosevelt, du moment où il faut penser des moyens pour secourir les chômeurs, parce que tout à coup il y a 20-30 millions de chômeurs, une pauvreté de masse que personne n'aurait jamais imaginé, etc. L'entreprise aussi, l'entreprise capitaliste, tout banalement, va être un espace de développement de systèmes d'information de plus en plus sophistiqués, de plus en plus tentaculaires, à la fois du côté de la production et à la fois du côté de la consommation. Du côté d'une production, on applique une organisation scientifique du travail avec une séparation entre la conception et l'exécution. Et puis, du côté de la consommation, avec le marketing. Et bon, et effectivement, aujourd'hui, avec Internet, on arrive à un stade orwellien, enfin, où l'entreprise est devenue vraiment un espace orwellien, que ce soit dans le contrôle qui est permis, que les nouvelles technologies permettent, le contrôle permis sur les salariés, et le contrôle permis aussi sur les consommateurs, la maîtrise du marché par les grandes entreprises. Là-dessus, je renvoie... Je pense qu'il y a des bons passages dans les deux livres. Cédric a fait un gros travail là-dessus, sur ce que permet Internet aujourd'hui. Donc voilà, on a essayé de montrer dans ce premier chapitre que la toile d'araignée, cette toile d'araignée là que je présentais, ne trouve pas sa source dans un projet policier et autoritaire, mais qu'elle résulte plutôt du fonctionnement ordinaire d'une société capitaliste industrielle, où règne une production de masse, et où donc à la fois on produit en masse, on consomme en masse, on fait circuler des quantités hallucinantes de choses et d'informations. Et par rapport à ça, cette prolifération des fichiers, aujourd'hui, elle est logique. Dans cette organisation de la vie à cette échelle-là et avec ces impératifs-là, on ne peut plus logique. Alors, qu'est-ce que tout ça nous fait? Dans le chapitre 2, qui s'appelle « La liberté, pourquoi faire ?», en référence à Georges Bernanos. Donc, sur la question des libertés fondamentales, les libertés, par exemple, de s'exprimer, etc., ne sont pas... brimés en tant que tel, mais par exemple les droits face à la police, les possibilités de se défendre quand on est inculpé ou quand on est témoin dans une affaire, sur toutes ces choses-là, évidemment, tout ça est constamment rogné depuis plusieurs dizaines d'années. Et là-dessus, oui, la technologie donne des sérieux coups de main. La technologie est un bon prétexte et un bon support pour l'oligarchie qui gère cette société quand elle souhaite restreindre tel et tel aspect des vieilles libertés qui avaient été conquises contre les pouvoirs monarchiques et autoritaires du vieux monde, quoi. Mais finalement, voilà, c'est pas ça qui nous semble le plus décisif avec les... On pense que ça, c'est très important. Mais finalement, il nous semble surtout que les nouvelles technologies, leur effet, c'est de vider de leur contenu, finalement, ces libertés qui ont été conquises dans un autre monde, dans un monde où où, voilà, qui était politiquement différent, qui était économiquement, où la vie matérielle était organisée différemment, la vie mentale était organisée différemment. Et c'est des libertés qui ont été conquises dans des moments où il y avait des révolutions, le mouvement ouvrier qui se mettait en place, ou qui menaçait la bourgeoisie, etc. Et donc il y a un certain nombre de concessions qui avaient été faites. Et le problème, c'est que ces nouvelles technologies, elles viennent vraiment raboter, siphonner ces libertés d'expression, etc. Alors ce qu'on veut dire par là, bon, ce qu'on dit là-dessus, c'est tout à fait, c'est dans le prolongement de ce qu'on dit un certain nombre de gens dès les années 60, dans les années avant mai 68, dans la critique sociale des années 60, ce qu'on dit des gens comme Castoriadis, Marcuse dans L'homme unidimensionnel, Bernard Charbonneau aussi, qui était beaucoup moins connu. C'est-à-dire, ces gens-là avaient bien vu que la société de consommation, ou la société industrielle avancée, rendait en fait inoffensive les libertés de s'exprimer, de publier, de faire des affiches, de faire des réunions, de créer des mouvements politiques, qu'en fait, dans une société où les gens sont de plus en plus préoccupés par le travail, par l'ascension sociale, par la quête du confort, par ces objets de consommation produits fascinants, produits par l'appareil industriel, Ben finalement, voilà, ces libertés, on n'en fait pas usage, et on n'en fait pas grand usage en tout cas, et elles ne sont plus dangereuses pour les puissants, alors que, bon, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, la concession de ces libertés semblait toujours une menace immédiate pour ceux qui dominaient la société, pour les couches dominantes. Donc en fait, on reprend ce diagnostic, et ce qu'on apporte d'un petit peu original, en fait, c'est de dire qu'Internet ne fait qu'accentuer ça, en réponse un peu à tous ces discours sur Internet qui explique que oui, bon, c'est vrai, la télévision, la radio, les médias, les vieux médias, c'était horrible, en fait, c'était une société unidimensionnelle. Verticaux. Pardon? Verticaux, les vieux médias étaient Voilà, verticaux, c'était les des nouveaux médias médias sont verticaux, horizontaux. mais là, avec Internet, c'est horizontal, donc c'est démocratique, c'est libérateur, etc. Donc on essaye de régler son compte à ces idées-là. Bon, l'étape qu'on vit actuellement, par exemple, c'est l'effacement complet avec Internet, à une vitesse hallucinante, un effacement quasi complet de l'anonymat. Qu'on fait effectivement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et qui ne gêne, le plus notable étant que ça ne gêne quasiment personne. Dans le groupe, il y avait un peu des nuances dans ce qu'on pensait les uns les autres, même les plus pessimistes, il y a 5-6 ans, quand on a commencé à bosser là-dessus, on n'aurait pas imaginé Facebook, quoi. On n'avait pas imaginé que ça puisse aller si vite dans ce sens-là. Et aujourd'hui, ça choque pas grand monde, il y a quelques débats là-dessus, mais c'est vraiment. Donc, d'où l'idée d'appeler le livre. Essai sur l'identification électronique et les motifs de s'y opposer. C'est un livre, donc voilà, sur les techniques d'identification électronique, et qui porte aussi, et peut-être avant tout, sur cette identification d'une grande partie de la population avec ses moyens de communication et d'information, qui est véritablement prodigieuse, quoi, et quasiment religieuse. Alors évidemment, on a essayé de s'interroger, notamment dans ce chapitre 2, sur pourquoi et comment, pourquoi il y a une telle fascination, pourquoi il y a une telle identification. Pourquoi finalement l'ordinateur a une image presque libertaire? Pourquoi ordinateur et Internet et liberté semblent aller de pair? Voilà, on a essayé de se questionner là-dessus, évidemment. Qu'est-ce qui s'est, qu'est, comment on en est arrivé à, là aussi, comment on est arrivé là? Donc je vais présenter trois idées à ce propos qui permettent de passer un peu en revue quelques thèmes de ce qu'on a développé dans le chapitre 2. D'une part, les nouvelles technologies, un des aspects qui fait que l'ordinateur. Oui, parce que donc ça n'a pas toujours été le cas, quoi. Le fait que l'ordinateur semble un objet technique porteur de liberté, ça n'a pas toujours été le cas. C'était pas le cas dans les années 50-60, où c'était un objet qui faisait plutôt peur, d'abord parce qu'il était monstrueux, il était énorme, et il était dans l'imaginaire social lié à la bureaucratie, même au complexe militaro-industriel, à l'histoire de la bombe atomique, parce qu'effectivement. Les découvertes de la bombe atomique et de l'ordinateur sont allées vraiment de pair dans les détails. Et donc ça, en fait, l'opinion, on avait une certaine conscience, quoi. C'était diffus, c'était une conscience diffuse dans la société occidentale, qui fait que l'ordinateur avait une image négative. Et ça a changé presque d'un coup, en fait, avec l'arrivée de l'ordinateur personnel dans les années 80, et ça a été renforcé derrière par Internet. Alors, une des premières explications, c'est que les nouvelles technologies, elles transforment notre monde, d'une manière extraordinaire, extraordinairement rapide, extraordinairement profonde, mais sans atteindre notre sentiment de liberté, en tout cas notre sentiment de liberté intérieure notamment. Par exemple, beaucoup de gens, je pense qu'une très grande partie des gens peuvent être gênés, tristes de la destruction du petit commerce, dans les villes, dans les villages. Ça paraît quelque chose de négatif. Évidemment, c'est très très lié aux nouvelles technologies, mais voilà, c'est pas perçu comme tel. Le fait que c'est un outil extraordinaire déjà tout simplement de mise au chômage, ça c'est un tabou. C'est quelque chose vraiment que pratiquement aucun économiste qui s'exprime dans les médias ne dit. Alors que c'est une évidence assez sensible, quoi. Et puis ça favorise évidemment terriblement la concentration économique. Mais c'est pas perçu. C'est pas quelque chose de direct, faut s'attarder un peu dessus, etc. De même, le bouleversement des villes. Le bouleversement des villes depuis quelques années, quelques dizaines d'années, le fait qu'il y ait beaucoup moins de commerces vivants au centre-ville, et des énormes, que la vie économique se concentre dans des zones industrielles et commerciales en périphérie, qui sont hideuses, etc., avec des grandes chaînes. Voilà, ça c'est quelque chose qui ne serait pas possible sans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais on n'y pense pas, voilà, c'est pas quelque chose qui se perçoit comme ça de façon intuitive et sensible. Dernier exemple rapidement, enfin, tout simplement le marketing, quoi. C'est typiquement, on est typiquement face à la question du marketing et de la publicité. Voilà, c'est toujours un éternel débat. Oui, est-ce que c'est vrai que ça influence les gens? Est-ce que c'est vrai que ça nous influence? Est-ce que c'est vrai que ça déforme notre libre arbitre? peut toujours trouver des arguments pour dire que non, que mais non, mais moi je résiste à la pub en fait, c'est pas ça qui me détermine. Donc on essaye de réfléchir un peu là-dessus, pour considérer que si, bien sûr, c'est une puissance de transformation du contexte dans lequel on vit qui est extraordinaire et qui passe de manière relativement indolore parce que ça ne porte pas directement atteinte, parce que c'est pas directement une manière autoritaire, quoi. Deuxième élément, les nouvelles technologies, elles donnent évidemment aux individus un sentiment de puissance extraordinaire qui, à notre sens, vient compenser, en fait, a d'autant plus de succès et d'autant plus perçu agréablement et jouissivement qu'il vient compenser notre impuissance profonde. Plus on est impuissant, plus on se sent impuissant à avoir un peu de pouvoir sur sa propre vie et sur le contexte dans lequel on est, plus on va compenser par le refuge dans ces nouvelles technologies, dans cette puissance qui consiste à pouvoir être joint partout, fille de l'espace et du temps, à trouver n'importe quelle information, à pouvoir télécharger n'importe quelle encyclopédie, même si on est dans la forêt. Ça nous met le monde à disposition, et ça, évidemment, c'est un ressort extraordinaire. Et dans cette idée et prolongement de cette idée du monde à disposition, il nous semble que les nouvelles technologies, elles épousent, elles viennent en fait épouser, valider, renforcer la vision de la liberté qui domine déjà depuis un certain temps dans la société occidentale et qui pose problème, qui est le fait que la liberté, on le cherche dans la libération vis-à-vis des forces de la nature et vis-à-vis des autres, vis-à-vis des autres humains. La liberté, c'est le fait de ne pas dépendre de la nature, des caprices de la nature, des aléas de la nature, et c'est de ne pas dépendre de figures déterminées. La nouvelle technologie, c'est un monde qui nous fait dépendre, on dépend plus que jamais de la société, de la collectivité, mais on peut avoir ce sentiment de dépendre moins de personnes précises. Donc il nous semble que le type de liberté qui triomphe avec les nouvelles technologies, c'est une idée de la liberté qui consiste à se réjouir de ne pas avoir ce souci de la vie, d'avoir à se soucier le moins possible de la vie matérielle, d'être en fait pris en charge par la société, pris en charge par cette industrie nourricière qui répond à nos besoins, à nos angoisses. Et donc à cette liberté-là, on essaye d'opposer une autre idée qui consiste à affirmer qu'effectivement on a trop souvent oublié depuis longtemps dans les mouvements sociaux, les mouvements politiques en Occident, que non, qu'il faut pas opposer la liberté et le fait de s'occuper de la vie matérielle, quoi. Et que la liberté, une liberté véritable et une réelle capacité à s'opposer aux puissants dans une société doit sans doute, doit probablement reposer sur le fait d'avoir un minimum de maîtrise sur ses conditions d'existence, de participer directement à leur production, et non pas dans le fait de sous-traiter de plus en plus de pans de ses besoins et de ses désirs. Ça, c'est une des idées, je pourrais éventuellement revenir dessus, mais c'est une des idées centrales, c'est un peu l'idée qui est au cœur du chapitre 2 et au final du bouquin. Donc voilà, pour terminer rapidement, on a aussi consacré un chapitre aux luttes, à qu'est-ce qu'on peut faire à tout ça. Bon, vu que le constat est sombre, on tenait à essayer de réfléchir sur qu'est-ce que peut être une pratique politique, apporter une contribution, qu'est-ce qu'on peut encore faire politiquement dans ce monde-là, où effectivement la mise sous dépendance des individus va très très loin. Donc ce chapitre 3 évidemment est un appel à lutter contre l'emprise numérique, aussi bien celle de l'informatique policière que de l'informatique de loisirs et que de l'informatique de travail aussi. C'est un appel aujourd'hui à se dresser un peu contre le développement économique, en tout cas contre sa poursuite, contre tout ce qui relève du redressement industriel, etc. Évidemment de prendre à tout prix la direction opposée de façon résolue et si possible organisée, cohérente. Évidemment on fait dans ce chapitre un éloge des luttes qu'on a vu prendre de l'ampleur avec plaisir pendant qu'on rédigeait ce bouquin, c'est-à-dire des luttes comme celle contre le TGV au nord de l'Italie, le miracle de Notre-Dame-des-Landes l'automne dernier, qui a été évidemment un énorme bol d'air pour enfin voir émerger des perspectives en France d'une direction, d'une tentative de s'inscrire contre le développement économique, contre le développement industriel. Et à côté de ça, on aimerait bien qu'émergent aussi des résistances un peu plus systématiques, un peu plus épaisses, un peu plus fréquentes à toutes les formes d'informatisation, à l'informatisation de la vie, à l'informatisation de la société sous toutes ses formes, grand projet ou petite puce, quoi. et notamment au travail. Bon, évidemment, dans la vie quotidienne, dans les rapports avec l'administration, dans la consommation, c'est extrêmement difficile. Ce qu'on peut faire, ça paraît souvent extrêmement dérisoire. Évidemment que ça fait partie de nos préoccupations à titre personnel et à titre politique, de prôner le fait de se déconnecter autant que possible, de réfléchir à ses usages, aux manières de faire. Bon. Mais voilà, ça peut pas suffire. On voit bien que ça peut pas suffire. Ça peut même être parfois tout à fait dérisoire. Il nous semble que bon, bah, y a lutte à partir du moment où il y a collectif. Bon, les résistances individuelles sont souvent très nobles et peuvent être très belles et très intéressantes. Et elles sont parfois impréalables. Mais il nous semble que ces résistances, ce serait intéressant qu'elles se jouent aussi dans la sphère du travail. Et donc on a un grand intérêt, on manifeste un grand intérêt pour les quelques fronts qui existent ou qui sont naissants, pour les quelques initiatives isolées, mais qui nous semblent significatives, en fait, de quelque chose qui peut se jouer pendant encore peut-être quelques temps. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, au boulot, ont un sentiment diffus d'absurdité, du fait qu'on est en train de franchir un seuil, qu'on oblige les personnes à faire des choses qui leur semblent inacceptables, sur le plan éthique, sur le plan politique, qui vont contre leurs convictions, à participer à des phénomènes de fichage massif, de contrôle des autres, de destruction de métiers où des personnes peuvent trouver encore une certaine dignité, un certain plaisir parfois. Et donc, bon, ben voilà, on espère que ces choses-là vont se développer. Donc, il y a depuis quelques années des résistances éparses dans l'école, par exemple sur l'histoire sur le fichier bas élève. Il y a aussi des gens qui s'expriment plus généralement contre la numérisation totale de l'enseignement et de la gestion des établissements, mais c'est encore plus minoritaire. Il y a des éleveurs qui se battent contre le puçage des animaux. Il y a l'histoire du livre, les résistances qui sont apparues en lien avec certaines maisons d'édition et certaines librairies contre Amazon, contre l'emprise d'Amazon et le passage à l'e-book. Il y a des assistantes sociales dans le 93 qui essayent de faire émerger des résistances contre la livraison d'informations en permanence sur les allocataires, sur les personnes qui viennent les voir, qui viennent demander de l'aide. Voilà, tout ça nous semble intéressant. Même si c'est malheureusement extrêmement minoritaire. C'est pour ça qu'on s'implique donc dans la tentative de construire des rencontres entre ces différents groupes à travers l'initiative d'écran total qui aura lieu début octobre. Voilà, on pense que c'est une piste intéressante, ce qui peut aujourd'hui encore se passer dans la sphère du travail, qu'il peut y avoir d'autres discussions que ce qu'il y a depuis quelques années, et des discussions sur le sens du boulot, sur ce que les gens sont prêts à accepter ou pas de leur hiérarchie. Et voilà, c'était donc Mathieu, membre du groupe Marcus, qui présentait La Liberté dans le coma. Et donc à la librairie Michel Ferck, s'en est suivi une discussion qui a beaucoup tourné autour de la question que faire face à ce déferlement technologique. Et une objection assez forte qui a été faite aux perspectives que le livre La Liberté dans le coma exposé, c'était en fait que finalement le refus en tant que tel, l'idée de ne pas trop se connecter et être dépendant de l'informatique, en quelque sorte ça ne menait à rien, c'était une défaite du fait que c'était une posture éthique et que finalement cette volonté de résistance par la passivité manquait de perspective politique. Ces critiques assez fortes, eh bien, Mathieu a tenté de répondre. On l'écoute tout de suite. Bon, sur la question du politique, c'est très étrange comme point de vue, parce que le refus, c'est la défaite, quoi. C'est bizarre comme idée, quand même. C'est bizarre. Moi, j'ai envie de te dire l'inverse, quoi. C'est-à-dire que là, on essaye d'esquisser une manière de faire, et on ne sait pas comment faire, bien sûr qu'on ne sait pas comment faire, enfin, sinon ça se saurait, enfin, et on ne serait pas là autant en difficulté. Bien sûr qu'on ne sait pas comment faire, mais on essaie d'esquisser une manière de faire qui serait un peu, on essaie de tirer des leçons d'une suite de défaites, quoi, d'une suite d'énormes défaites, qui ont consisté à toujours penser depuis deux siècles qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent, que c'est vrai, c'est horrible, la division du travail dans l'usine moderne, c'est horrible. Ça détruit plein de choses que les gens savaient faire avant, ça exploite les gens jusqu'à la moelle. Ça effectivement, ça, voilà, si on reprend les, je sais pas, dans les textes de Marx, ça abétit les gens. Mais ça, en même temps, ça ouvre des possibilités. En même temps, ça ouvre des possibilités parce que, à la fin, finalement, les gens vont se rencontrer, vont créer des syndicats, et elles vont faire la lutte de classe et on va gagner. L'histoire, elle est pas celle-ci. Ah ben si, l'histoire, ce qui est marqué dans le Capital, c'est ça. Et si tu veux, et moi j'essaie de te dire, voilà, ce qu'on essaye de, ce qui est tenté d'être fait, c'est de se dire, bon, voilà, il y a toujours eu une, à la fois une lucidité, il y a souvent eu une lucidité sur les catastrophes qui se produisaient sur le plan humain, sur le plan des relations entre les gens, sur le plan de tout ce qui était détruit, des liens communautaires, des capacités des personnes dans les sociétés traditionnelles. Et donc notamment d'une certaine capacité d'autonomie. Et après, et à côté de ça, ça ne veut pas dire que c'est une défense unilatérale des sociétés traditionnelles, c'est pas le cas, il y a plein de choses critiquables dans les sociétés traditionnelles. Mais il y a toujours eu l'idée que c'était possible de dépasser, que ce qui était détruit, on allait le recréer en mieux, et qu'il y avait des espaces qui s'ouvraient, effectivement, avec le... Juste, non, mais là, un truc, c'est pas... en effet, à un moment donné, il y a la visite, avec tout ce que ça suppose comme aliénation, et depuis cet endroit, comment on l'abolit? C'est ça la question qui se pose. C'est pas, ah oui, mais en même temps, ça va être la possibilité d'un progrès pour l'humanité. C'est pas ça dont je te parle. C'est qu'à un moment, c'est là où on est, et depuis cet endroit, en effet, comment... Mais moi, je suis pas d'accord sur ton interprétation, mais admettons que t'aies raison. Qu'est-ce qu'il y a de différent à ce moment-là de ce qu'a dit Ferdinand? C'est ce qu'a dit Ferdinand tout à l'heure. Partons de là où on est, et on est tous englués dans cette jungle numérique, dans cette... sur-socialisation, cette emprise de la société sur nous par ces technologies, et essayons de l'abolir. Y compris en envoyant des mails de Notre-Dame-des-Landes, bien sûr, et en s'envoyant des mails pour entre des personnes qui cherchent à organiser les initiatives contre tout ça, qui habitent à différents endroits de France. Comment on peut en même temps penser quelque chose d'autre? Ce que je cherche simplement à dire, c'est que il me semble qu'on essaye de se poser la question de comment faire autrement. Bien sûr que le progressisme a rarement été hyper, complètement naïf, disant que tout était génial dans le modernisme, dans la modernité. Mais en même temps, il y avait l'idée qu'on pensait, et moi je comprends qu'à plein d'époques, les gens aient cru qu'en fait, il y avait tellement de choses qui s'amélioraient en même temps dans la société moderne, en même temps que d'autres choses étaient détruites, qu'à la fin, ça allait qu'il y aurait une synthèse à un niveau supérieur, quoi. Par exemple, au niveau des qualifications, que bon, les gens réapprendraient à se servir de machines, et que du coup, bon, même si c'était plus des artisans du XVIIIe siècle, ça donnerait des personnes capables, qualifiées, autonomes, etc. Je comprends qu'à certains moments on ait pensé ça, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on est largement au point, depuis un certain temps, on ne peut plus croire ça. Donc aujourd'hui, il s'agit de trouver un point d'appui pour arrêter de se dire ce qui fait un peu commun, ce qui fait ligne commune dans ce qui s'est passé depuis un... au moins deux siècles, depuis la révolution industrielle, c'est un phénomène de dépossession. Pour moi, le capitalisme, c'est une machine à rendre la vie des gens hétéronome, à faire que de plus en plus de choses, de capacités, d'espace mental, soient prélevées par des institutions, par des organisations qui font les choses à la place des gens et qui leur revendent en faisant du profit. Qui leur revendent la même chose dégradée en faisant du profit. Et c'est de se dire comment on peut arrêter ce processus, comment on peut le freiner. Et évidemment, j'ai pas une formule magique, ça va de soi. Mais par contre, la défaite, pour l'instant, c'est d'avoir cru qu'on pouvait se réapproprier tous ces outils de l'époque moderne. Pour l'instant, un peu de modestie, peut-être que ça, c'est le refus, c'est la défaite. Mais pour l'instant, ces refus, ils ont toujours été extrêmement minoritaires, ils ont rarement été écoutés. Ils ont toujours été recouverts par la voix de ceux qui disaient « Mais non, mais attendez, ça va aller quand même, c'est pas si catastrophique, on va s'en sortir ». Et voilà, non, il y a un certain nombre de choses où c'était pas vrai, où je pense qu'on sait aujourd'hui avec le recul que c'était pas vrai. Et du coup, aujourd'hui dire que la liberté, alors que très souvent chez plein de penseurs, dans plein de mouvements politiques, l'idée de liberté, le fait d'être libre, c'était conditionné par le fait d'être débarrassé des tâches matérielles, c'est quand même un truc qui est omniprésent dans l'histoire de l'Occident. Et voilà, la suite de l'enregistrement a été trop mauvaise pour que je la passe, mais je vais vous restituer la fin de la réponse de Mathieu, puisqu'il ajoutait, donc voilà, aujourd'hui il faut qu'on change ce postulat. La liberté politique, qui permet par exemple de s'opposer aux puissants, implique de maîtriser ses conditions d'existence, de développer un minimum d'autonomie matérielle. Changer le champ du politique, ça veut dire aussi inclure la technique, l'économie et la pratique des métiers, les conditions de travail, mais aussi et surtout les modes de production dans la délibération démocratique. Et ça va un peu à l'opposé de cette liberté vue comme émancipation de la matérialité, comme émancipation de toutes les contraintes matérielles et sociales qui est notamment défendue par la société marchande essentiellement. Voilà, donc c'est une invitation à une sorte de réappropriation des arts, des sciences et des métiers. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler une autre fois sur ces ondes et dans cette émission. Donc émission d'ailleurs qui se termine. Et je remercie au passage Sarah de Fréquence Paris Pluriel qui m'a fort obligément donné cet enregistrement. Et dans la veine de la critique du monde numérique, voilà, les éditions L'Échappée ont publié cette année un ouvrage qui s'intitule « La face cachée du numérique, l'impact environnemental des nouvelles technologies ». C'est un ouvrage collectif aussi, rédigé par Fabrice Flippot, Michel Dobré et Marion Manchot. Ouvrage qui détaille évidemment toutes les nuisances écologiques liées à la production de l'informatique et à sa diffusion. On va terminer cette émission avec une petite annonce. Voilà, pour les lecteurs assidus de Lire Déchaîné, l'hebdomadaire de Radio Zinzine, ou d'Archipel, le journal du Forum Civique Européen. Ces lecteurs ont certainement remarqué qu'il y avait une série d'articles qui s'intitulait « Une histoire critique de la biologie moderne ». Et cette série d'articles vient d'être rééditée et augmentée, et illustrée aussi, en brochure, une brochure de 64 pages qui s'intitule « Le vivant, la machine et l'homme ». Le diagnostic historique de la biologie moderne par André Bichot et ses perspectives pour la critique de la société industrielle. C'est une brochure que vous pouvez commander auprès de Radio Zinzine, 04 300 Liman, une brochure à prix libre. Et bien voilà, cette émission se termine et je vous dis à la prochaine. Proposé par Radio Zinzine.